On se voit là-bas. Demain, je te passerai un coup de téléphone. Sans doute. Oui, c'est long, grave, c'est le monsieur. J'adore que vous faites le C'est quoi ça? C'est une fure. Là, j'espère que tu ne vas pas fumer. Ah ouais, elle aura des questions. Thank you. Ah, tu t'attendais pas.